Fiche d'information, le 1er juillet 2016. Décret présidentiel sur la politique des États-Unis quant aux mesures à prendre avant et après les frappes, concernant les pertes civiles provoquées par les opérations faisant appel à l'usage de la force, et sur la publication par le directeur des renseignements nationaux, DNI, des données agrégées sur les frappes conduites en dehors des zones de conflit actifs. Depuis le début de son administration, le président Obama a clairement indiqué que les États-Unis emploieraient la force en dehors de leur territoire lorsque cela serait nécessaire afin de protéger le peuple américain, tout en respectant nos valeurs et toutes les lois applicables, y compris le droit des conflits armés. Il a aussi souligné la nécessité d'être aussi transparent que possible vis-à-vis du peuple américain, sur les raisons qui justifient les opérations antiterroristes et sur la manière dont elles sont menées afin d'accroître la confiance que le public porte à ces activités, de fixer des normes que d'autres États pourront suivre et de lutter contre la propagande des terroristes et les accusations sans fondement à l'encontre des opérations menées par les États-Unis. De plus, le président a assuré qu'il entendait poursuivre l'élaboration d'une armature juridique et politique qui servira à guider les actions entreprises dans la lutte contre le terrorisme à l'avenir. C'est pourquoi, en 2013, le président a approuvé et détaillé publiquement les lignes de conduite qui formalisent et renforcent les normes et procédures strictes gouvernant l'usage de la force létale contre des cibles terroristes en dehors des zones de conflit actifs. Aujourd'hui, l'administration est en train de prendre des mesures supplémentaires pour institutionnaliser et conforter les meilleures pratiques dans le cadre des opérations américaines de lutte antiterroriste ou d'autres opérations faisant appel à la force, et pour garantir plus de transparence et de responsabilisation par rapport à ces opérations. Ces mesures incluent la promulgation du décret présidentiel sur la politique des États-Unis concernant les mesures à prendre avant et après les frappes pour lutter contre les pertes civiles provoquées par les opérations américaines faisant appel à l'usage de la force, et la publication des données agrégées à la fois sur le nombre de tirs lancés par le gouvernement visant des cibles se trouvant en dehors des zones de conflit actifs au cours de l'administration actuelle et sur l'étendue des pertes qu'ils ont provoquées parmi les combattants et les civils. Le décret présidentiel fournit des informations supplémentaires sur les meilleures pratiques et procédures déjà en place pour les opérations en cours et celles qui seront appliquées dans les opérations à venir, quel que soit le lieu. Ensemble, ces mesures mettent en valeur le professionnalisme et les normes de conduite strictes auxquelles adhèrent les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis lorsqu'ils protègent les Américains de la menace terroriste à l'étranger, et montrent aussi que nous nous engageons à améliorer et renforcer sans cesse le cadre de la lutte contre le terrorisme et à accroître la responsabilisation du gouvernement pour ses actions. Décret présidentiel relatif aux problèmes des victimes civiles. Ainsi que le président Obama l'a déclaré, tout conflit armé est une invitation à la tragédie. Mais en ciblant étroitement notre action sur les personnes qui veulent notre mort, et non pas sur les gens parmi lesquels elles se cachent, nous choisissons la ligne de conduite la moins susceptible de causer la perte de vie innocente. Dans cet esprit, le présent décret présidentiel s'applique à toutes nos opérations, où qu'elles soient menées, et il démontre clairement que nos engagements juridiques et politiques en vue de la protection des populations civiles sont en accord fondamental avec l'usage effectif, efficace et décisif de la force dans la poursuite des intérêts de la nation. Premièrement, le décret présidentiel recense les meilleures pratiques que les États-Unis mettent en œuvre actuellement afin de protéger les civils dans le contexte d'opérations qui exigent l'usage de la force à l'intérieur et à l'extérieur des zones de conflit actifs. Et il enjoint aux départements et agences concernées de faire appliquer ces mesures dans les opérations actuelles et à venir. Ces mesures prévoient entre autres de former les agents à la mise en œuvre des meilleures pratiques qui contribuent à réduire le risque de pertes civiles et de consacrer des ressources opérationnelles à la réduction de ce risque. Il prévoit aussi, lorsque c'est approprié, d'entretenir des voies de coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et des ONG qui peuvent contribuer aux efforts pour distinguer entre objectifs militaires et population civile. Il prévoit de reconnaître la responsabilité du gouvernement des États-Unis lors de pertes civiles, de présenter des condoléances, y compris des paiements ex gratia, aux personnes civiles qui ont été blessées ou aux familles de civils tués, et, lorsqu'il y a eu des victimes civiles, de prendre des mesures pour réduire l'éventualité de tels incidents à l'avenir. Deuxièmement, afin de répondre aux défis associés à la difficulté de mesurer la véracité des rapports sur les pertes civiles dans des zones non permissibles, le décret présidentiel recommande la prise en considération de rapports fiables émanant des ONG dans le cadre des analyses qui sont menées après les frappes, y compris l'accès à des accords préalables d'échange d'informations, afin d'assurer que ces rapports soient mis à disposition des personnels chargés de ces analyses. Troisièmement, il enjoint au directeur des renseignements nationaux, DNI, ou à d'autres responsables mandatés par le président, de publier chaque année un bilan que fournissent les départements et agences concernées, indiquant le nombre de frappes effectuées par le gouvernement des États-Unis sur des cibles terroristes en dehors des zones de combat actifs, et leurs estimations, fondées sur des rapports pertinents et fiables quant au nombre de victimes de ces frappes parmi les combattants et les non-combattants, et cela tout en respectant la nécessité de protéger les sources et les méthodes. Le rapport annuel inclura aussi des informations sur les sources globales d'informations et sur la méthodologie employée pour mener à bien les estimations, afin de pouvoir aussi déterminer les raisons d'ordre général qui expliqueraient les écarts existants entre les estimations faites par le gouvernement et les rapports crédibles émanant des ONG. Enfin, le décret présidentiel met en place un mécanisme qui permettra aux départements et agences du gouvernement des États-Unis qui sont concernés de se rencontrer afin de discuter du sens dans lequel évolue le nombre de pertes civiles et des améliorations que l'on pourrait apporter aux efforts du gouvernement pour réduire le nombre de ces victimes. Contexte des processus et procédures adoptés par le gouvernement des États-Unis dans le but de limiter les pertes civiles. En mai 2013, le président Obama a fait paraître le Guide présidentiel de conduite, PPG, qui, entre autres choses, établit des normes de conduite relatives à l'action directe à l'extérieur des États-Unis et en dehors des zones de conflit actifs. Ces normes de conduite prévoient globalement que les États-Unis n'auront recours à la force létale que contre des cibles qui posent un danger persistant et imminent aux citoyens des États-Unis, et qu'une intervention directe n'aura lieu que s'il existe une quasi-certitude que le terroriste ciblé est présent, et une quasi-certitude que des non-combattants ne seront pas blessés ou tués. Ainsi que le président l'a déclaré, le critère de la quasi-certitude représente la norme la plus rigoureuse que nous puissions établir. Ainsi, et contrairement aux organisations terroristes qui visent délibérément les populations civiles et violent le droit des conflits armés, les États-Unis font très attention d'adhérer au droit des conflits armés et dans de nombreux cas appliquent des normes de conduite qui offrent aux civils une protection qui va au-delà de ce qu'exige le droit des conflits armés. De plus, même lorsque les États-Unis n'agissent pas dans le cadre du Guide présidentiel de conduite PPG, par exemple lorsque les États-Unis interviennent à l'intérieur de zones de combat actifs, comme ils le font actuellement en Afghanistan, en Irak et en Syrie, ou lorsque les États-Unis interviennent en urgence pour venir en aide aux forces américaines ou alliées, les États-Unis font des efforts extraordinaires pour réduire le risque de pertes civiles. en particulier lorsqu'il s'agit de forces ennemies qui ne portent pas d'uniforme et ne portent pas ouvertement leurs armes, les États-Unis font des efforts considérables pour appliquer le droit fondamental des conflits armés, qui consiste à distinguer belligérants et civils, et qui exige entre autres que les attaques ciblent des objectifs militaires et non pas des civils ou des objectifs civils. Les États-Unis considèrent que toutes les informations dont on peut disposer sur les activités présentes et passées d'une cible potentielle servent à déterminer si tel ou tel individu constitue une cible licite. Par exemple, un individu peut devenir une cible s'il est officiellement ou de fait membre d'un groupe armé avec lequel les États-Unis sont engagés dans un conflit armé. Comme des hauts responsables de l'administration l'ont déclaré publiquement, pour déterminer si un individu appartient à un groupe armé, on peut chercher entre autres dans quelle mesure l'individu en question remplit des fonctions au bénéfice du groupe qui sont analogues à celles que remplissent traditionnellement les membres des forces armées d'un pays. Si cette personne obéit ou donne des ordres à d'autres membres du groupe, ou bien si la personne a accompli certaines actions indiquant de façon fiable une intégration véritable au groupe. Avant d'envisager une frappe contre une cible terroriste, dans tout théâtre de guerre, les personnels du gouvernement américain passent en revue toutes les informations dont on peut disposer pour déterminer si des non-combattants sont présents dans la zone visée. Un ensemble de normes, de méthodes et de techniques ainsi que des modèles informatiques, appuyés par des données issues des essais sur les armements et les observations de terrain en situation de combat, informent le processus qui déterminera si les personnes qui ne sont pas spécifiquement ciblées sont susceptibles d'être blessées ou tuées par une frappe. Publication des données agrégées concernant les frappes opérées par le gouvernement des États-Unis contre des cibles terroristes à l'extérieur des zones de combat actifs. Si l'on veut démontrer la légitimité des efforts que nous faisons contre le terrorisme, il faut non seulement agir dans le respect du droit des conflits armés et établir des normes fournissant une protection qui dépasse les exigences du droit, mais aussi fournir au peuple américain des informations sur la lutte antiterroriste menée par leur pays. Ainsi que le président Obama l'a déclaré, si nous sommes incapables d'expliquer clairement et ouvertement les efforts que nous faisons, nous nous exposons à la propagande des terroristes et à la suspicion internationale, nous diminuons la légitimité de nos actions aux yeux de nos partenaires et de notre peuple, et nous portons atteinte au devoir de responsabilité de notre propre gouvernement. C'est pourquoi le président pense qu'il est important de fournir au public autant d'informations que possible sur le fondement et les résultats des opérations menées contre le terrorisme par les États-Unis. Suite à cet engagement, le directeur des renseignements nationaux, DNI, publie aujourd'hui un résumé des informations obtenues par les départements et agences sur le nombre de frappes déployées par le gouvernement américain contre des cibles terroristes en dehors des zones de conflit actifs, entre le 20 janvier 2009 et le 31 décembre 2015, ainsi que sur les meilleures estimations des pertes parmi les combattants et les non-combattants provoquées par ces frappes. À l'avenir, les chiffres de l'année précédente seront publiés le 1er mai de chaque année, en conformité avec la nécessité de protéger sources et méthodes. Nous reconnaissons que les frappes lancées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont provoqué la mort de non-combattants. C'est une réalité dans tous les conflits. Ainsi que le note le DNI dans sa déclaration d'aujourd'hui, en publiant ces chiffres, le gouvernement des États-Unis reconnaît aussi qu'il y a des écarts entre ces estimations et les rapports émanant d'ONG sur les pertes civiles provoquées par les opérations américaines. Même si le gouvernement a accès à un très large éventail d'informations, les chiffres que nous publions aujourd'hui doivent tenir compte des limites inhérentes à la capacité à déterminer précisément le nombre de morts parmi les combattants et les non-combattants en dehors des zones de conflit actifs et surtout dans les zones non permissives où ces frappes ont souvent lieu. Cependant, comme les informations que nous publions le montrent, les normes et procédures rigoureuses que nous appliquons à ces frappes ont eu pour résultat des tirs d'une extraordinaire précision. Le gouvernement américain reste fermement résolu à améliorer, clarifier et consolider constamment les normes et procédures qui gouvernent l'usage de la force à l'étranger pour défendre la nation contre la menace terroriste.